On va parler de course à pied. Il y avait une conférence de presse hier à l'Hôtel de Ville du secteur de Dolbeau où on a annoncé le premier demi-marathon de l'histoire entre Dolbeau-Mistassini et Saint-Jean-d'Arc. Un marathon qui aura lieu le 17 mai 2020. Question d'en savoir davantage. On parle avec le responsable Gilles Bouchard. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Gilles, c'était vraiment, écoute, c'est pas vraiment une surprise lorsque j'ai appris ça parce qu'il y avait eu des démarches qui avaient été faites l'an passé. Il y avait eu plusieurs tests qui avaient été faits aussi. Oui, l'an passé, on l'avait fait à titre expérimental en mai 2019. On l'avait fait, puis on avait lancé ça sur Facebook. Puis on a eu quand même plus de participants qu'on pensait. On était une vingtaine, puis tout le monde était bien épaté de ça. Fait qu'on a décidé de le faire officiellement printemps prochain. OK. Donc, est-ce que c'est la question que je veux te poser, est-ce que... Parce que moi, j'avais fait une entrevue avec la responsable du groupe Jaco, puis tu te rappelles, elle avait mentionné qu'elle n'était pas très chaud à l'idée d'ajouter d'autres courses. Est-ce qu'il y a eu des négociations par la suite de faire? Non. Je l'ai contacté encore cet automne. OK. Et elle n'a pas changé d'idée. C'est encore la même histoire. Les autres, le circuit, ils considèrent qu'à 20 courses, ils n'ont plein le casse, puis ils veulent pas en ajouter. Les autres, ils prétendent que si pour en rajouter un autre, il faut qu'il y en ait une qui s'élimine. Ils veulent pas en mettre ça. OK. Ouais. Donc, c'est un petit peu décevant dans l'ensemble, mais ça vous empêche pas de faire vos affaires aussi, là. Ben, tu sais, on arrête, mais ça, nous autres, faire partie du circuit, parce que le circuit, là, à partir du début mai, aller à la course de la relève le 20... La relève, c'est toujours la dernière semaine de mai. OK. Puis, il y a toujours 3 semaines dans le calendrier qu'il n'y a pas de course à cette période-là. Moi, on a choisi cette période-là, en plein milieu de mai. Puis, tu sais, quand même qu'il aurait ajouté une course, ça ne les aurait pas une nuit, mais c'est le choix. Moi, je ne courrais pas après les autres, là. En tout cas, nous autres, on va de l'avant pareil avec notre course. OK. Est-ce que vous allez quand même... j'imagine qu'il y a plusieurs coureurs qui sont du Jaco qui vont venir à Dolbeau-Mistassini? Ben ça, on peut pas prévoir... Ouais. On peut pas prétendre qu'ils vont venir, mais on peut prévoir qu'ils vont venir. Moi, je m'attends d'avoir beaucoup de coureurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Même de l'extérieur. On va lancer de la publicité là, ciblée là, à Québec et à Montréal, puis... J'aurai des amis de Montréal qui vont venir, c'est sûr. OK. Moi, je m'attends à avoir du monde un peu partout, là. OK. Puis Pierre Lavoie a accepté un peu d'être l'invité d'honneur, d'être la figure emblématique de ce premier demi-marathon. Exactement. Puis ça, on est bien heureux de ça. C'est sûr qu'en mettant Pierre Lavoie sur notre pancarte, que ça va attirer beaucoup de monde aussi. Ça donne de la crédibilité à l'événement. OK. Gilles, est-ce que on a parlé de demi-marathon, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres compétitions? Si on peut penser qu'il y aura des 10 km, des 5 km, des 3 km, des 1 km? Nous autres, là, le plan, on veut faire un 1 puis un 2 km à Saint-Jean-d'Arc avant le départ pour les jeunes. Okay. Mais les courses pour les adultes, les courses là pour des vraies courses là de comme il se fait ailleurs là, des 5 puis des 10, nous autres on se concentre sur le 21, on fait notre demi. Puis je te dis pas qu'on n'en ferait pas peut-être plus tard, mais je penserais pas. On veut pas nuire aux autres courses non plus. La course de la relève, il y a un 5 km à Dolbeau, puis il est bien populaire. Puis tu sais, nous autres, on se concentre sur le 21, puis on va faire une activité pour les jeunes à Saint-Jean-d'Arc au départ. OK. C'est quand même... est-ce qu'on peut prévoir quand même que ça va être difficile? Il n'y a pas trop de montagnes, donc ça va bien se faire quand même? Ça va être un parcours très rapide. Parce que quand on part de Saint-Jean-d'Arc, aller jusqu'à la sortie de Mistassini, c'est faux plat descendant. Là, presque... Quand tu regardes le dénivelé là, sur les cartes Google, là, puis, c'est un faux plat descendant. Tu descends presque tout le temps. Puis la course là, sur 21 km, il va y avoir 1 km à peu près, 1 km et demi de montée. Okay. À partir du camping à Mistassini, aller jusqu'à la sortie du pont. OK. C'est la seule montée qu'il y a. Le reste, là, c'est du descendant. Puis ça devrait être un parcours assez rapide. OK. Parle-moi de l'implication des caisses Desjardins dans le projet. Ah bon. On est bien content d'avoir l'implication de la Caisse. La Caisse populaire de Jardin du Nord, ici, là, c'est nous autres, ils nous ont suivis dans notre challenge cycliste, puis là, ils embarquent avec nous autres parce qu'ils croient à l'organisation qu'on est. Puis c'est vraiment important qu'on ait cette aide-là, nous autres, pour se décoller. Surtout là, un nouvel événement de main, se décoller, ben là, il y a tout le temps des coûts rattachés à ça. Ouais. On monte un site Internet, puis tu sais, c'est... les inscriptions puis tout, là, ça prend des fonds pour se décoller, puis on est bien heureux d'avoir la caisse avec nous autres. OK. Dis-moi, Gilles, aussi, donc tu t'as mentionné tout à l'heure qu'il va y avoir des bourses intéressantes. Pas des bourses intéressantes, mais il va y avoir plusieurs coureurs. Est-ce que tu prévois avoir des bourses intéressantes pour les faire venir de Québec-Montréal? Non. Il n'y a aucune bourse. Okay. Non, c'est aucunement compétitif. On fait ça vraiment pour le plaisir. Ça va être un parcours rapide. Ceux-là qui veulent se payer à traite, ils vont pouvoir, là, mais il va avoir rien au bout. Là, sauf que le temps personnel, là, s'ils veulent l'améliorer, ça va être la place. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, Gilles Bouchard, un gros merci. Au plaisir de se reparler. OK, merci. Salut, voilà, Danny. Donc le responsable de la première demi-marathon de 17 mai 2020, Gilles Bouchard.